14e station. Jésus est enseveli et mis dans le tombeau. Nous vous adorons, ô Jésus, et nous vous bénissons, parce que vous avez racheté le monde par votre sainte croix. Pour embaumer le corps sacré du Sauveur, Nicodème apporte environ 100 livres d'une composition d'aloès et de myrrhe. Puis, avec Joseph d'Arimathie, ils prennent le corps de Jésus, le serrent avec des aromates dans des linceuls, l'enveloppent d'un suaire blanc, l'ensevelissent à la manière usitée chez les Juifs. Près du lieu où Jésus avait été crucifié, Joseph d'Arimathie possédait un jardin avec un sépulcre taillé dans le roc vif, où personne n'avait encore été mis. C'est là que, à cause de la proximité du monument, il se hâte de déposer Jésus avant le commencement du Shabbat. Puis il roule une grande pierre à l'entrée du sépulcre et se retire. Mais pourquoi Jésus est-il enseveli et mis dans le tombeau? Son corps sacré avait-il donc à craindre la corruption? Était-il urgent de le cacher aux yeux des hommes, de l'embaumer d'aromates, de le préserver de toute cause extérieure d'altération? Non, sans doute, puisque c'était le corps d'un dieu. Et toutefois Jésus a voulu être mis dans le sépulcre pour nous apprendre à mener avec lui une vie cachée en Dieu. Il a voulu être embaumé pour nous apprendre à répandre autour de nous une odeur de sainteté par l'édification de notre vie. Il a voulu que l'on prît tous les moyens possibles de le tenir à l'abri de la corruption, pour nous apprendre ce que nous avons à faire, si nous désirons obtenir le don de la persévérance. Ô Jésus, qui par amour pour moi n'avait pas reculé devant les humiliations de la sépulture et les horreurs du tombeau, accordez-moi la grâce de mener une vie humble et cachée, tranquille au milieu des contradictions et indifférente à tout ce que l'on peut dire ou penser de moi. Hélas, ne méritais-je pas et l'oubli et le blâme et le mépris et les contradictions, moi qui vous ai tant offensé et qui suis dépourvu de tout bien? De quel droit voudrais-je plaire aux créatures, me faire valoir aux yeux du monde? Que m'importent d'ailleurs les opinions des hommes, puisque je ne suis réellement que ce que je suis devant vous, ô mon Dieu. Rendez-moi donc attentif à mes faiblesses et à mes misères, cachez-moi à tout l'univers, attachez sur vous seuls les yeux de mon âme, et que rien ne puisse jamais les détourner de vous. Soyez le but unique de toutes mes pensées, de tous mes désirs, de toutes mes affections, de toutes mes œuvres. Soyez à jamais ma vie, mon Dieu et mon tout. Ô mon divin Maître, puissé-je ne plus laisser émaner au dehors une odeur de corruption et de mort, mais répandre partout à l'aide de votre grâce une odeur de vie qui fasse louer l'infinité de votre miséricorde et ranime la confiance des plus grands pécheurs. Puissé-je, par toute ma conduite, glorifier non pas moi, mais votre saint nom, n'ambitionner pour moi que l'oubli du monde, n'aspirez qu'à vivre inconnu et méprisé du monde, mais vous faire bénir et aimer par tout l'univers. Puissez-je vous servir dans les larmes de la pénitence avec une humble confiance, une fervente dévotion, une fidélité à toute épreuve, un amour plus fort que la mort. Puissez-je conserver cette vie divine dans un cœur nouveau, par les amères aromates de la mortification et de l'abnégation, opérer mon salut avec une sainte défiance de moi-même, l'assurer par mes bonnes œuvres, ne négligez aucune précaution, ne comptez jamais que sur votre infinie miséricorde, coopérez assidûment à votre grâce et persévérez ainsi jusqu'à la fin. Car, vous l'avez dit, Seigneur, celui qui aura persévéré jusqu'à la fin, c'est celui-là qui sera sauvé. Ou plutôt, remplissez-moi du don de force, que l'Esprit-Saint lui-même me préserve de tout péché, me fasse échapper à tout péril, qu'il me conduise, comme par la main, à l'éternelle félicité où je jouirai d'une sécurité parfaite, n'ayant plus à redouter ni tentation, ni travaux, ni peine, ni douleur. Faites-moi sentir désormais une douce et intime confiance que vous serez ainsi jusqu'à la fin mon protecteur, mon guide et ma vie dans le temps, ma sécurité, ma gloire et mon bonheur dans l'éternité. Dire à notre Père, je vous salue Marie. Mère Sainte, accordez-moi cette grâce. Imprimez fortement en mon cœur les plaies de mon Dieu crucifié. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, aujourd'hui et toujours, comme dès le commencement et dans tous les siècles des siècles. Ainsi soit-il. Ayez pitié de nous, Seigneur, ayez pitié de nous. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Faites que l'amour de votre fils me blesse de ses blessures, m'enivre de sa croix. Mère sainte, accordez-moi cette grâce, imprimez fortement en mon cœur les plaies de mon Dieu crucifié. Enflammée, consumée de cet amour, puissé-je, Vierge sainte, vous avoir pour avocate au jour du jugement. Mère sainte, accordez-moi cette grâce, imprimez fortement en mon cœur les plaies de mon Dieu crucifié. Quand mon corps mourra, obtenez à mon âme la gloire du paradis. Ainsi soit-il.